femmes très très très très très. Disons que moi j'ai toujours aimé la physique, la physique extrême. Les femmes des années 60 en fait, j'aime. Thank you.